Ismaël Prod 9-3 Suisse. Yeah. Véridique section Shaolise. Et puis les sur scène. La soif de vaincre, c'est dans les chaînes. Altesse du Sai. Moi j'arracherai la victoire de vos mains. Miskin, vous faites la peine, y'a plus de rappeurs. Parti à la retraite avec un pacemaker. Bookmaker, époque mouvement, c'est dans les tripes. Pur égo trip où je me rattrape. Les bouquins vont toutes finir dans la crypte. Ambiance cryptée, message codé, c'est détonnant. Comme un petit cocktail en banlieue lors d'un soir de novembre. La vengeance est dans les yeux des gros go accrochés au Air Max. Petit contentieux pour le T-Max. Lyrique excellent, sans pique et sans pixel. Là où j'excelle, cuisiner du rap. Et les rappeurs font la vaisselle. Y'a du dommage quand tu meurs, alors la rue te rend hommage. Bisutage, on a passé l'âge des fausses rumeurs. Médicament de mettre à terme aux idées fermes. Ou bien freiner notre rage au vent. Tu peux de se rentrer chez ta mère et faire face aux vrais experts. Devant véridique section, les fois MC se font ascendantes. Leur connerie en guise d'or. Tu te souviendras de tout ça et Altesse sans l'entrain de la soif de vin. J'arracherai la victoire de vos mains avec la date d'un charbonneur, car je rêve d'être la fierté des miens. Ils ont pendu le rap, mais j'entends son souffle. Du haut de ma tour, fusil en main, je tire et coupe la corde d'un coup. Dans tout ce que je fais, je suis underground. Pendant que la haine nous sourit, leur rap business porte une perruque blonde. Mettez-les dans le même bateau. Moi dans ma pirogue, j'irai au loin dans mon délire. Pendant que spec dans une mer de coke. Ces ambiances là c'est comme les mauvaises prods. Ça m'inspire pas, je me bats sur quelconque terrain. Sauf quand y'a pas de level. Je vais pas m'attarder, parlons peu mais bien. Et ouais la mer dépasse la fiction. Mais je balaye pour une victoire belle. Mais c'est même de mettre à terme aux idées fermes. Ou bien freiner notre rage au vent. Tu peux de se rentrer chez ta mère et faire place aux vrais experts. Devant véridique section, les fois MC se font ascendance. Imite Titanic, leur connerie en guise d'or. Tu te souviendras de tout ça et Altesse sans l'entrain de la soif de vin. Moi j'arracherai la victoire de vos mains. J'ai vu la coupe sur le comptoir. MC à l'abattoir et Laurie sur le trottoir. Lauréat du RAP, VS hip hop rescapé. Il faut des thunes, porteur bitume comme Bouscapé. Les mecs sont France défend les nègres, je comprends plus rien. Ça fait les malins, ça crie plus fort quand on les retient. Tous le ton de comédien, c'est moi l'MC commandant. Si t'es un pit, tu peux plus mordre, mon flot t'a pété les dents. Hip hop tumeur 93, la rime secteur, tu veux des stars. Elles sont toutes mortes comme Tony les narines dans la coque. Costard de rue, c'est baggy, casquette et capuche. Y'a trop de chag en plus, j'ai l'impulsion d'un de ces putains d'air. En maladin, j'ai mon génie, mais dans la bibine d'Enken. J'aime le crier, revendiquer l'impertinent fils de Galsen. J'ai pas d'égal à dalle, mais vu qu'on voit et assure, je m'appuie avec les deux dieux. On s'envolera comme des aigles.